Eh bien, mettez-vous à votre aise, monsieur Commandant. Commandant. C'est ça, monsieur Commandant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour améliorer votre état. Oui. Il y a aussi le veau qui me donne des vertiges. Nous verrons, nous verrons. Je vous demanderai d'abord, s'il vous plaît, qui vous a donné mon adresse? Eh bien, docteur, voilà, je suis venu à vous progressivement. J'ai consulté un certain nombre de spécialistes. J'avais remarqué que j'éprouvais un malaise chaque fois que je prenais un bain. Un malaise dans les gencives. J'ai donc fait venir mon plombier, car il m'avait semblé que mon malaise pouvait avoir son origine dans le robinet gauche de ma baignoire qui grinçait. En effet, il n'est pas rare de constater des troubles assez voisins de ce que vous m'avez décrit, dans certains cas de vrombissement de tuyauterie. N'est-ce pas? Mon hypothèse n'était pas invraisemblable. Cependant, mon plombier, dès sa première visite, m'avait trompé. Votre plombier, comment s'appelle-t-il? Debray. Debray. Le père ou le fils? Le père. Je le connais, c'est un excellent plombier. Il m'a dit, monsieur, votre robinet n'a rien. Si vous grincez des dents, ça doit venir des dents. Alors il m'a donné l'adresse d'un dentiste, j'y suis été. C'était monsieur? Mon dentiste? Mmh. Le professeur Monod. Je le connais, c'est un excellent dentiste. Il m'a dit, en effet, votre malaise aux gencives ne vient certainement pas d'un défaut de votre robinet. Vous avez une dent à la mâchoire supérieure qui ne fonctionne plus que d'une patte. Je vais essayer de vous arranger ça avec mon vilebrequin. Il prend son vilebrequin, il me vilebrequine ma deuxième prémolaire, au bout d'une heure, il me dit, ça va pour aujourd'hui, revenez demain. Le lendemain, il me vilebrequine plus sérieusement. Enfin bref, il me vilebrequine pendant 4 jours, et le 5e jour, il me dit, désolé, je ne peux pas aller plus loin, si je vais plus loin, ça n'est plus de mon sort. Est-ce que vous avez encore mal à votre dent? Non, je lui réponds, plus du tout, maintenant ça commence à me faire mal à l'œil. C'est ce que je dis, qu'il me dit, je vais vous donner l'adresse d'un oculiste. Quel oculiste vous a-t-il indiqué? Le docteur Kuklops. Kuklops, je le connais, c'est un excellent ophtalmologue. Alors, le docteur Kuklops me regarde l'œil, avec son œil, longuement, d'autant plus longuement que, puisque vous le connaissez, vous savez qu'il est borgne, n'est-ce pas? Il y a une dizaine d'années, en effet, le docteur Kuklops a eu des démêlés assez violents avec sa femme et... Il sort mon œil, il me le nettoie, il me le remet dans son orbite et il me dit, rien à dire à votre œil. Il est mûr, oui, mais il ne pourrira pas si tôt, non. Ce qui cloche, ce n'est pas votre œil, c'est ce qu'il y a dedans. Vous vivez dans un intérieur mal peint, les couleurs de vos murs vous énervent la rétine, et c'est ce qui cause votre malaise. Alors, il m'a donné l'adresse d'un peintre en bâtiment. Monsieur le prince Rinquet. Je le connais, c'est un excellent peintre. Qui m'a repeint mon appartement en rouge vif, violet, noir et vert de gris, avec un mur rose bonbon dans chaque pièce pour atténuer l'effet de l'ensemble. À la fin, il me demande, alors, est-ce que vous avez encore mal aux yeux? Non, je lui réponds, maintenant je n'ai plus mal aux yeux, j'ai mal partout. En effet, j'ai mal partout. Ah, il me dit, si vous avez mal partout, ce n'est plus mon boulot, ce qu'il vous faut, c'est la médecine générale. C'est très juste. Alors, il m'adresse au docteur Honoris. Honoris Bidon? Non, Honoris Causa. Honoris. C'est un excellent généraliste. Alors, il m'examine, il m'ausculte, il me chatouille, et à la fin, il me dit, pour moi, vous n'avez rien. Si vous avez quelque chose, c'est une chose qui n'est pas de mon ressort, c'est une maladie. Je vais vous indiquer un spécialiste pour ça, et il m'a donné votre adresse. En effet, je suis spécialiste des maladies. Eh bien, nous allons voir ça, monsieur Commando. D'abord, je vous poserai une question. De quelle maladie souffrez-vous? J'avouerais que c'est un peu pour que vous me le disiez si je suis venu vous voir. Oh, alors, ça ne doit pas être bien sérieux, hein? Bon, attendez. Levez-vous, monsieur Commando. Je vais vous ausculter malgré tout par acquis de conscience, hein? Montrez-moi votre nombril, je vous prie. Je vais appuyer dessus avec mon doigt. Vous me direz l'impression que ça vous fait. Alors, quelle impression avez-vous eue? D'être une sonnette. Dont le bouton ne marche pas. Bien. Bon, laissez votre nombril à découvert maintenant. Je vais donner un grand coup de pied dedans. Attendez, je prends mon élan. Et une, deux. Alors, est-ce que vous avez toujours mal partout? Non, j'ai mal au vent. Eh bien, que je voulais que je vous dise, c'est normal. Et ce que vous avez, ce n'est pas une maladie, malheureusement, c'est un cas spécial. Je vais vous donner l'adresse d'un spécialiste des cas spéciaux. Hein? Le docteur Ambroise Paré. Rue Ambroise Paré, à Paris. Merci, docteur. Combien vous dois-je? Oh, puisque vous êtes un cas spécial, je ne vous demanderai que... Voyons, oh, 500 francs. Hmm? Non, vous êtes trop aimable. Tenez, vous lui direz bien bonjour de ma part. Oui, je lui dirai. Au revoir. Au revoir. Merci. Docteur, dans un peu d'eau sucrée avant les deux principaux repas. Vous êtes sûr que vous en avez mis 10? Moi, j'en ai compté 12. Vous êtes sûr? Ben, je me suis peut-être trompé. En réalité, j'en avais compté 13. Ben, la 13e, j'en parle pas parce que c'était une bulle, hein. Enfin, tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous soyez sûr de votre compte. Sûr. Comment voulez-vous que je sois sûr? Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompterais parce que c'est marqué sur le flacon, hein, ne pas dépasser la dose prescrite. Ah oui, mais... Comment voulez-vous que je les recompte, moi? Les gouttes, maintenant, on ne les voit plus. Elles se sont mélangées dans le verre. Oh, ben alors, ça fait rien. Comment ça fait rien? Ben non, parce qu'elles se sont mélangées, c'est plus des gouttes. C'est une flaque. Il ne peut pas y en avoir 12. Il ne peut pas y en avoir 10 non plus, d'ailleurs. Alors, je me demande vraiment pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Moi aussi, parce que c'est des drôles de gouttes, hein. Moi, je sais pas comment vous avez fait pour les compter, parce que dans le flacon, hein, j'en vois pas non plus. Mais, mon pauvre ami, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs, c'est bien simple, je vais les remettre dedans. Bon, ben, elles voudront pas y remonter. Ah ben, je voudrais bien voir ça. Avec un compte-gouttes comme j'en ai un. Ouais, c'est vrai qu'il est superbe. Ah ben, je pense bien. C'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas plus puissant comme compte-gouttes. Allez voir comment elles vont y remonter. Et plus vite que ça. Vous êtes sûr qu'elles vont y remonter dans l'ordre? Non. Mais ça ne fait rien. Le docteur, il a dit 10 gouttes. Il n'a pas spécifié qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Mais quand même, ça ne doit pas être bon pour la santé. Vous savez, des gouttes qui se sont mélangées comme ça. Non. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et regardez bien, parce que je vous préviens que ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Bon, bah, allez-y, je suis curieux de voir ça. Et... Oh non, pas youp, non, ça a fait pfit, c'est tout. Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes, un outil soigné comme ça. Je vous jure bien qu'on peut faire du bon boulot avec. Bah oui, mais elles sont remontées trop vite, vos gouttes. Vous n'avez pas eu le temps de les compter. J'ai même pas essayé. Un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne fonctionne que dans un sens. Ah? Ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui entrent. Il y a un sens, quoi. C'est comme les tire-bouchons. Oh oui, oh ça, les tire-bouchons. Ah, ça, ça, oh, ça, les tire-bouchons, ça tire les bouchons vers le haut. Les comptes-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. Vous êtes vraiment sûr que c'est un compte-gouttes de Besançon? Oh ben, tout ce qu'il y a de plus authentique, c'est maman qui l'a acheté là-bas. Et de Besançon, votre maman? Oui. Oui. Oh ben ça, c'est pas une raison, parce qu'il n'y a pas que votre maman qui soit de Besançon, mon pauvre ami. Il y a des tas de gens qui sont de Besançon. Moi, il me semble que un compte-gouttes vraiment perfectionné, ça doit compter les gouttes dans les deux sens, quand elles entrent et quand elles sortent. Voilà, c'est pas la peine d'aller à Besançon pour en acheter un. Je me demande un peu à quoi ça servirait de les compter deux fois, les gouttes, pour un compte-gouttes. Puis ça aurait l'air malin si on trouvait pas le même compte la deuxième fois. Mais c'est pourtant ce que vous êtes obligé de faire, de les compter une deuxième fois, vos gouttes. Oui, mais ça, c'est de ma faute. Quand on compte quelque chose, faut faire attention. Si j'avais fait attention, je n'aurais pas besoin de les compter une deuxième fois. Parce que c'est vous qui devez faire attention. C'est vous qui devez les compter, vos gouttes. Hein? Votre compte-gouttes ne les compte rien, ça n'intéresse pas. Et alors, le tire-bouchon non plus? Il tire pas tout seul, faut y mettre du sien. Oh ben si c'est tout à fait comme un tire-bouchon, moi je veux bien, mais alors j'appelle pas ça un compte-gouttes, hein. C'est pas un compte-gouttes votre truc. C'est un pouce-gouttes, là, c'est un pouce-gouttes. Oh bah bien sûr, si j'avais de l'argent à gaspiller, je m'achèterais un compte-gouttes automatique. Ça se trouve, ça? Ah, forcément, puisque tous les taxis en ont un. Eh oui, au milieu, au tableau de bord, ça fait tic-tac et ça marche tout seul. Oh, ouais, mais c'est pas les gouttes que ça compte, ça, c'est les kilomètres. Ah non, les chauffeurs de taxi n'ont aucune raison de compter les kilomètres. Parce que les kilomètres, c'est pas à eux. Ils ne peuvent pas les vendre. Alors, à quoi il leur sert, leur compteur? À compter les gouttes d'essence. C'est un compte-gouttes, quoi. Bon, vous permettez que je compte mes gouttes? Ben, attendez, montrez-les-moi d'abord, vous voulez, hein, dans votre compte-gouttes. Non, mais où est-ce que vous les voyez, vos gouttes, dans votre compte-gouttes, hein? Non, mais montrez-moi une. Mais, hein, je ne peux pas vous les montrer, puisqu'elles ne sont pas faites. Mais je me demande vraiment à quel moment elles existent, vos prétendues gouttes, hein, si c'est par là, et par là. Hein. Mais, pas avant que je les fasse sortir. Vous? Moi, du compte-gouttes. Parce que non seulement il n'est pas capable de les compter, mais il n'est même pas capable de les faire tout seul. C'est pas lui le compte-gouttes. Le compte-gouttes, c'est vous. C'est comme une trompette. Pour jouer de la trompette, il faut une trompette et un trompette. Une trompette et un trompette, ça fait deux trompettes. Non. Non, non. Ben alors, si vous-même, vous ne savez pas compter, comment voulez-vous vous en sortir? Une trompette et un trompette, ça fait quoi, d'après vous? Ça fait de la musique. La musique, et bien ça, je ne vous le fais pas dire, parce que la musique, c'est comme les gouttes. On ne peut pas la compter non plus, parce que ça existe juste au moment où ça sort de la trompette, hein, la musique. Mais avant, il n'y en a pas, la musique, et après, il n'y en a plus, la musique. Avant, il n'y en a pas, avant, il n'y en a pas, mais... S'il y en avait avant que je les compte, mes gouttes, j'aurais pas besoin de compte-gouttes. Je pourrais les compter avec mes doigts. Mais si vous pouviez les compter avec vos doigts, ce serait pas des gouttes. Ce serait quoi? Des billes. Des billes, des billes, des, ah ben des, c'est des ça billes. Qui serait bon pour ma santé. Non, mais il ne s'agit pas de santé, il s'agit de compter. Non, mais prenez un sac de billes. Pourquoi faire? On va faire un peu d'arithmétique, vous allez voir. Non, je préférerais faire des gouttes. Mais on ne fait pas d'arithmétique avec des gouttes. Il n'y a qu'à prendre n'importe quel principe d'arithmétique pour le savoir. Tenez, le Chenevier, par exemple. Hein? Édition de... d'avril 1931, vous voyez, ben, dès la première page, vous voyez, je ne vous demande pas, il vous dit, prenez un sac de billes. Et jamais il vous dira, prenez un sac de gouttes. Alors, prenez un sac de billes. C'est bien pour vous faire plaisir. Bon, alors, première question, ça c'est facile. Combien y a-t-il de billes dans ce sac? Bon, ben, je vais vous dire ça... Alors, non, mais si vous comptez, alors non, c'est trop facile, dites. Attendez. Combien y a-t-il de poulets dans cette cage? Combien y a-t-il de maisons dans cette rue? Combien y a-t-il de fenêtres dans cette caserne? Laquelle? Mais n'importe laquelle, ils disent pas. La réponse à ces diverses questions est... Première page. La réponse à ces diverses questions est un nombre. Oh, oui. des nombres abstraits. 4 roues, c'est une roue, puis encore une roue, puis encore une roue, puis encore une roue. 4 pieds, c'est un pied, puis encore un pied, puis encore un pied, puis encore un pied. 4 soldats, c'est un soldat, puis encore un soldat, puis encore un soldat, puis encore un soldat. Et nous pourrions écrire 4 point point point, c'est 1 point point point, puis encore 1 point point point, puis encore 1 point point point, puis encore 1 point point point, et mettre toujours le même mot à la place des point point point qui précèdent. Et alors là, il y a une liste: marron, encrier, couteau, homme, fauteuil. Goutte! Non, les gouttes, ça y est pas. Eh bien, ça devrait y être, parce que 4 gouttes, c'est une goutte, puis encore une goutte, puis encore une goutte, puis encore une goutte. Non, ça fait pas 4 gouttes. Ça fait une fuite. Prenez un sac de billes. Encore? Bon, bah écoutez, gardez le même, hein, on le dira pas, allez. Nous en sortons une que nous posons sur la table. Voilà. Juste sur la table. Sortons-en une autre. Il y en a alors sur la table une et... deux. Non. Une et deux, ça ferait 3. Il y en a alors sur la table une et une. Nous dirons qu'il y en a 2. Si nous en posons une autre encore, ça devient difficile, c'est sur la table. Il y en aura 3. Non mais regardez-les vos billes avant de répondre. Ah ben vous avez raison, oui. Nous dirons qu'il y en a 3. Bon, c'est pas la peine de dire ça. Attendez. Avant de commencer cette opération, il n'y avait pas de billes sur la table. Bon, attendez, je vais les retirer. Nous dirons qu'il y en avait pas. Non, papa. Nous dirons qu'il y en avait 0. 0 est un nombre qui exprime l'absence d'objet. Ben, l'absence d'objet, la voilà. Vos gouttes, elles sont absentes. Il y en a 0 dans le flacon, il y en a 0 dans le compte-gouttes, et il y en aura toujours 0 dans le verre, parce que 0 plus 0, ça fait toujours 0. Hein? Prenez un sac de billes. Encore? Oui, c'est comme ça que vous avez appris l'arithmétique. Non, ben, c'est probablement comme ça que j'ai appris à jouer aux billes. Oui, bon, ben, allez, rendez-moi mon compte-gouttes, parce que c'est pas en jouant aux billes que j'arriverai à me purger. Non, mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, je sais plus quoi vous dire. Hein? Alors, ne me dites plus rien. Comptez-les, vos gouttes. Elles vont encore une fois se mélanger dans le fond du verre, et ce sera comme si vous n'aviez rien fait avec votre Besançon. Tandis que moi, mes billes... J'ai pas besoin de compte-billes pour les compter. Hein. Elles se comptent toutes seules. Et je suis bien sûr que si je les compte, ça va pas faire une flaque. Vous permettez que je compte mes billes? Mes gouilles? Mes gouttes! Ça ne me gêne pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Vous êtes sûr? Ah, non. Bon. J'ai quand même en retiré 2. C'est plus prudent. Avec votre compte-gouttes? Oui. Mais vous savez bien qu'il ne peut pas les compter à reculons, vos 2 gouttes. Ça, c'est vous qui me l'avez dit. Oui, vous avez raison. Je vais les compter directement avec ma bouche. Oh non, ça c'est trop dangereux. Non, dépassez pas la dose prescrite. Alors attendez, attendez, je vais compter avec vous, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Onze. Ah ben non, là j'en ai compté onze. Ah, non. Dix. Non, non. La onzième, c'était... Hop ! C'était une bulle !